Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 et vous écoutez Futur Simple et c'est François Grégoire qui vous parle. Nous sommes prêts pour une visite au musée de la civilisation. Il y a en effet des expositions scientifiques en cours au musée, une sur les venins et une autre sur les curiosités du monde animal. Alors, pour nous en donner un aperçu, j'ai en studio avec moi les deux chargés de projet de ces expositions. Alors, Annick Dorion-Coupal. Bonjour Annick. Bonjour. Et Anouk Gingras. Bonjour Anouk. Bonjour. Alors, on va commencer avec l'exposition Venenum, un monde empoisonné avec Annick. Alors Annick, le mot venin, en fait, ça nous fait penser au serpent ou au scorpion, mais plus largement, en fait, est-ce que l'objet de l'exposition est de faire le tour de tous les animaux qui produisent du venin? En fait, non, mais vous avez vraiment raison, venin, parce que bon, le titre l'évoque clairement, Venenum. Ça évoque même des images d'animaux, là, des tarentules. Tout de suite, dès qu'on dit venin, on pense à serpent. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que Venenum, en fait, le mot latin qui signifie en fait poison, revêt en fait toutes ces significations-là, de venin, etc., mais aussi d'une certaine façon de médicament. Si on pense à l'histoire. C'est vrai. Et ce qu'on a fait dans cette exposition, qui est d'ailleurs une exposition qui a été conçue et réalisée d'abord par le Musée des Confluences à Lyon, et que nous, on a repris pour l'adapter, bonifier, bon, y ajouter différentes expériences dedans. Mais pour répondre à votre question précisément, oui, plusieurs espèces venimeuses et toxiques. Donc, il faut bien faire la différence entre une espèce qui est venimeuse versus vénéneuse. Okay, et c'est ce qu'on présente. Ouais. En fait, venimeux, c'est clairement le serpent, le scorpion. Ce sont toutes sortes d'espèces qui inoculent le poison. Donc, par morsure, par projection, c'est même vrai, avec des poils urticants, comme par exemple la mygale, les grosses araignées. Et aussi, on disait par piqûre, par morsure et par projection. Une espèce qui sera vénéneuse, ça peut être un organisme autre qu'un animal, qu'un insecte, c'est qu'il, de façon passive, il transmet sa toxicité. Par exemple, une grenouille... les petites grenouilles qu'on reconnaît facilement, qui nous proviennent là, de l'Amazonie, qui sont toutes petites, très, très belles, colorées, très vives, donc qui sont les dendrobates. Donc, cette espèce-là, elle, c'est par sa peau qu'elle transmet une certaine toxicité. Donc, c'est pas parce qu'elle nous mord, c'est pas... Bon. Et on c'est lorsqu'on l'utilise, la touche, quoi? C'est quand on la touche. Soit pour la manger ou simplement exactement, en la frôlant. Donc, en l'ingérant, l'espèce plus... plus grande risque plus grande d'avoir un empoisonnement sérieux. Par ailleurs, et c'est ce qu'on présente dans l'exposition, bien sûr, diverses espèces qui sont d'ailleurs vivantes, d'autres qui sont naturalisées, mais parmi les vivantes, une cinquantaine d'individus, là, vraiment très variés dans des aquariums, dans des terrariums et tout. Mais aussi, on présente tous les aspects, les usages des poisons. Donc, des collections ethnographique importante. Alors, je fais le lien avec notre grenouille de tout à l'heure. Dans certaines cultures et à travers l'histoire, différents continents, on a utilisé, plus précisément ici avec la grenouille en Amazonie, la technique de la chasse où, avec les fléchettes, on enduit ou on frotte la tête de flèche sur la peau de la grenouille. On utilise la flèche, évidemment, pour atteindre une arme. Exactement, comme arme, ou plus précisément, là, pour endormir ou paralyser l'espèce ciblée pour nourriture ou quoi que ce soit. Okay, donc, c'est suffisant, de frotter tout la flèche. À fait. Okay. Alors, donc, on parle bien sûr de la présentation de ces espèces en faisant une distinction entre ce qui est venimeux et ce qui est vénéneux. Ouais. On parle des usages des poisons, donc à travers toutes ces notions-là plus ethno. Et puis aussi, on parle de la médecine, de la pharmacie. Ah ben oui. Ouais, parce qu'on sait effectivement qu'il y a plein de médicaments qui sont issus des venins. Absolument. Et étonnamment. C'est une question de dose. C'est ça. Et Paracelse se le disait, si on va dans l'histoire de la pharmacie, c'est tout est poison, rien n'est poison. C'est vraiment une question de dose. Tout à fait. Même l'eau, elle peut être poison. Absolument. Si on en boit énormément, on va en mourir. Absolument. Et les plastiques sont poisons. Ah ben oui. Alors, on parle des comme poisons contemporains aussi. Ça dépend de la dose, effectivement. Donc, si je comprends bien, ce sont des animaux, il n'y a pas vraiment de plantes ou de champignons toxiques. Absolument. Ah oui, il y en a. Ah oui, vous en avez... oui. Ah oui? Donc, okay. C'est-à-dire que nous, on ne les présente pas dans votre exposition. Dans les espèces vivantes comme telles, mais on aborde tout ce volet-là. Ah, OK, c'est abordé. Donc, tout l'aspect, d'ailleurs, bactériologique. Et bien sûr, bon, les plantes, je dis bactéries, je parle de virus aussi, mais plantes, champignons. Et en amont, si je pense aussi à ce qui est présenté dans l'exposition, il y a un parcours. Donc, dans l'intention un petit peu de toucher l'imaginaire et collectif, quand on parle de poison, souvent aussi, au-delà du serpent, on va penser à des personnages célèbres qui ont été empoisonneurs ou empoisonnés, que ce soit Cléopâtre ou même plus récemment dans notre histoire, Alan Turing. Donc, on présente au début du parcours de l'expo une expérience qui peut être plus immersive, où il y a des tableaux, on pourrait dire des œuvres d'art, qui, à l'approche du visiteur, s'animent. Et des personnages qu'on entend, qu'on voit dans le tableau, qui semblent nous témoigner de leur histoire ou de leur lien avec le poison. Alors, c'est... un peu l'approche au Musée de la civilisation. On essaie, bien sûr, d'innover, mais de surprendre et de présenter la connaissance, que ce soit historique, scientifique, etc., par différents moyens. Et ça, c'en est un qu'on a choisi pour aborder les aspects historiques des poisons. Et quand on va au musée, en fait, souvent on s'attend aussi à voir des choses. Alors, est-ce qu'on s'attend à voir des animaux qui sont venimeux, en fait? Est-ce que vous en avez? Oui, c'est vrai. Oui, alors donc... Mais est-ce qu'ils sont aussi en vrai ou c'est en film ou en documentaire? Oui, aux deux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement plusieurs éléments audiovisuels, donc documentaires, des projections, des petits écrans et tout. Bon, mais ce qui est très, très impressionnant, c'est de voir devant nous un réel monstre de Gila. Donc, c'est un éloderme, vivant, un lézard vivant qui est bien là devant nous et qui est extrêmement dangereux. Bien sûr, tout est hyper sécure. aussi, je parlais tout à l'heure des dendrobates, mais il y a plusieurs aquariums aussi avec des poissons, que ce soit des méduses, que ce soit des rascasses volantes, des anémones, parce que oui, les anémones sont venimeuses, des poissons ballons. Hein, on pense au fougou, le fameux poisson que, s'il est mal apprêté, on peut en mourir, en fait. C'est exactement. Donc ça, c'est une espèce vénéneuse. Alors, nous avons des poissons ballons bien vivants dans nos aquariums. Et les venins, eux, est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'on peut les apercevoir dans des fioles? Non, puis en fait, c'est un peu ça, l'esprit de l'exposition, c'est qu'il y a quelque chose de toujours très mystérieux. Okay. C'est fascinant, c'est mystérieux et c'est intangible. Le poison, d'une certaine façon, est intangible. Mais on sait très bien que de l'arsenic, le plomb, qui est très bien concret, extrêmement toxique. Donc, est-ce qu'on voit le venin, est-ce qu'on voit les toxiques indirectement, oui, parce qu'on voit d'où ils proviennent. OK. Mais il n'y a pas vraiment de photos ou de, je sais pas, de petits pots avec du venin dedans, là? On a des pots... par exemple, on présente une très grande apothicairie, un grand meuble qui date du 18e siècle, qui nous arrive de Lyon, des hospices civils de Lyon. Et là, il y a à peu près 120 pot dans lequel on voit il est inscrit différentes substances qui s'y trouvent, qui s'y trouvaient, mais ça donne une bonne idée de le haut potentiel de dangerosité qu'il pouvait y avoir et qu'il y a encore dans les pharmacies. Alors, dans ces pots-là, il pouvait y avoir toutes sortes de substances très, très toxiques. Oui, effectivement. Et autour des venins, est-ce que l'exposition raconte aussi dans quelles circonstances ces animaux excrètent leur venin? Oui, c'est-à-dire que peut-être indirectement, on sait que chaque espèce a un système, comment dire, de défense ou carrément pour attaquer sa proie. Donc, selon l'espèce, si on revient par exemple au serpent, ben il peut y avoir différentes techniques où en inoculant son venin, il va tout de suite absorber son espèce parce qu'il est immédiatement efficace. Parfois, il faut attendre, donc il le paralyse, puis ensuite il l'ingère. Mais on ne va pas tellement dans le détail de ça, sinon de présenter plutôt la très grande variété d'espèces et de matières toxiques qui fait partie de notre environnement naturel, mais fait, dans notre quotidien, dans notre cuisine, ben les comptoirs, il y a beaucoup de substances toxiques qui nous entourent. C'est un fait. Entrons maintenant dans les coulisses de l'exposition. Comment l'exposition a été conçue? Alors, donc, voilà, c'est une exposition qui a été conçue au Musée des Confluences à Lyon avec un comité scientifique. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont contribué vraiment à l'aspect scientifique de l'exposition. Eux, ils ont développé un premier concept qui a été présenté, qui a été une exposition très, très grand succès en France. Mmh. Et la façon dont nous, on l'a repris, c'est qu'avec le même mobilier, avec la même équipe de création, dont la scénographe française, et donc vraiment en étroite collaboration à l'équipe de Lyon, nous, on lui a apporté différents ajouts, différentes modifications. Et là, en même temps, à chaque fois qu'il y avait une intervention plus au niveau du contenu et du propos, ben on consulte ponctuellement des spécialistes en fonction là, du sujet qui est abordé. Si on parle des poisons contemporains, donc on a tout un dispositif où on présente un peu tout ce qui est lié à l'écotoxicologie, ben là on a fait appel à des scientifiques et journalistes bien de chez nous, qui sont par exemple Jean Lemire, Marine Cornu, Maryse Bouchard, Richard Saint-Louis, Louise Noétier, la Fondation Suzuki. Donc, un éventail très varié. Et eux, ils nous ont apporté leurs connaissances pour présenter et vulgariser ces aspects-là liés à l'écotoxicologie. Et pour finir et donner aux auditeurs l'envie d'aller voir cette exposition, quel est le point d'orgue de l'exposition, si je peux m'exprimer ici? Est-ce qu'il y a un point fort? Oh, c'est très difficile comme question, mais moi je dirais que le point fort, c'est qu'il y a une évolution quand on vit l'expérience du parcours de l'expo. C'est-à-dire qu'on rentre et on est touché dans notre sensibilité par toutes ces histoires qui se révèlent, et je parlais tout à l'heure de l'imaginaire collectif, donc ça permet de donner la lumière sur certaines choses qu'on avait peut-être floues dans notre esprit, et c'est vraiment la proximité avec toutes ces espèces très dangereuses et en même temps très belles. Oui, et que j'imagine qu'on ne connaît peut-être pas pour la plupart. Tout à fait, tout à fait, parce que au-delà du serpent, il y en a plusieurs espèces venimeuses et vénéneuses. Et le point culminant, je dirais, c'est qu'à la fin du parcours, on sollicite un peu les visiteurs à réfléchir de comment est-ce qu'on peut contribuer à ce que notre environnement soit moins toxique pour les générations futures. Effectivement. Alors, ben merci beaucoup, Annick. Oui, à voir. Merci beaucoup, Annick, pour cette visite radiophonique de l'exposition Veninum, un monde empoisonné au Musée de la civilisation.